السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Donc, cher frère, en Allah Azza wa Jal, on va continuer, Inch'Allah, on va plutôt reprendre la série de cours, l'explicatif des annulatifs de l'islam. C'est une épître écrite par Cheikh l'Islam Mohamed bin Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, expliquée par le noble Cheikh Salafi contemporain, Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala. On est arrivé, après l'introduction en 15 titres, en 15 règles sur les règles du tekfir, on est arrivé, après avoir étudié le premier naqid des 10 que le Cheikh l'Islam il a cité, après avoir étudié le deuxième naqid des 10 que le Cheikh l'Islam il a cité, on est arrivé au troisième. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va finir le troisième naqid et on ne va pas rentrer dans le quatrième pour qu'on fasse le quatrième si possible en un cours, Inch'Allah. Et donc, on va s'attacher à finir le troisième naqid de Nawaqid l'Islam que Cheikh l'Islam Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a cité. Donc ça c'est une chose, juste par rapport au dernier cours qu'il y avait eu, avant la longue rupture, la longue coupure, c'est qu'on avait fait le cours numéro 13. On l'avait fait, mais on n'avait pas mis les notes sur le site. Aujourd'hui, les notes sont sur le site, donc vous pouvez le revoir. Pourquoi? Là, je l'avais dit dans le cours, c'est qu'il y avait un point que je voulais vérifier avant de traduire. Hein, et je l'ai fait, alhamdoulilah, donc là c'est traduit complètement. Donc vous pouvez avoir les notes du cours numéro 13 de cet explicatif des annulatifs de l'islam. Le Cheikh l'Islam Mohamed bin Abdelwahab rahimahullah ta'ala, expliqué par Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul hafidahullah ta'ala. Et on est arrivé à la porte du Mukati. Donc revenons quelques pages en arrière, je vois que beaucoup d'entre vous ont le livre, alhamdoulilah, ça c'est très important aussi. Revenez quelques pages en arrière, peut-être à la page 105, si vous avez la même édition que moi. On voit al-naqid al-thalith man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim kafar. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث أي الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفرا. Et on avait étudié cela, on avait rapporté certains points et on est arrivé à la page en arabe ici, la page 112. On est arrivé à la parole de l'imam Ibn Kathir رحمه الله تعالى dans son exégèse du Coran. Il a dit Ibn Kathir رحمه الله تعالى قال Ibn Kathir رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما آتى الله أحده من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه وليمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته ولهذا قال تعالى وتقدس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري وقال ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والسدي يعني عهدي وقال محمد بن إسحاق إصري أي ثقل ما حملتم من عهدي أي ميثاق الشديد المؤكد قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. Donc le noble Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala, qui est un cheikh, un savant contemporain salafi qui est toujours vivant, qui enseigne à la Mecque, hafidahullah ta'ala, il continue donc son explication du troisième annulatif de l'islam en disant: quand vous allez voir les notes du cours 14 aujourd'hui, vous allez voir que je vous ai mis un lien où vous pourrez trouver les 13 cours qui ont précédé pour que vous puissiez les revoir en audio et en écrit. Donc il rapporte une parole d'Ibn Kathir. Pour vous situer le contexte, revenez à la page d'avant pour les frères qui ont l'arabe. Ici est un verset du Coran que je viens de citer en partie d'ailleurs et qui est le verset de quelle sourate? Pour vous faire un peu participer, hein? Ali Imran, d'accord? Et qui commence par « وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنْ إِلَىٰ أَخِرِ الْآيَةِ » D'accord ? Donc maintenant il rapporte une parole de qui ? Ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Kathir qui cite dans quel livre ? Hein ? Tafsir al-Qur'an al-Azim, qui est l'exégèse de qui ? Du Qur'an de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc Ibn Kathir, il dit une parole par rapport au verset qu'on vient de citer de Surat Ali Imran. Il dit qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, Allah le Très-Haut informe qu'il a pris l'engagement de tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Isa alayhi salam, quoi qu'il ait accordé à l'un d'entre eux comme livre et comme sagesse, et quelque niveau qu'il ait atteint, puis que vienne un messager après lui, qu'il se doit de croire en lui et se doit de lui porter secours. Le verset là-dessus, il est clair. Et que ne l'empêche pas ceux sur lesquels il est en termes de science et de prophétie de suivre celui qui a été envoyé après lui et de lui porter secours. Et c'est pour cela qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, ce dont la traduction du sens est, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et une sagesse. Kitab wa hikmah. Surat Ali Imran, verset 81. C'est-à-dire, quel qu'en soit le livre et la sagesse que je vous ai donné. D'accord ? Ça prend une partie du verset. Et puis, le cheikh, il dit ici, Ibn Kathir, rahimahullah, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. C'est toujours d'ailleurs le verset, d'accord ? La traduction du sens en tout cas. Et puis, il rapporte une parole de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, hein, que les ulama, ils appellent comment par rapport au Coran ? Turjama al-Qur'an. Je rappelle la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait par rapport à Ibn Abbas en ce qui concerne le fiqh dans la religion et la compréhension de quoi, du ta'wil, c'est-à-dire tafsir du Qur'an. Mujahid et Rabi' et Qatada et Suddi ont dit Isri, vous voyez le verset ici à la fin, c'est wa akhathum ala dhalikum Isri. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à Isri? C'est-à-dire Ahdi, mon pacte. Et Mohamed ibn Ishaq, il a dit « Isri », c'est-à-dire la lourdeur de mon engagement dont vous avez été chargé. D'accord ? C'est-à-dire mon pacte sévère et affermi. Nous consentons, dirent-ils, soyez-en donc témoins, dites Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, c'est-à-dire tournera le dos à ce pacte et à cet engagement. Hein ? Alors ce sont eux qui seront les pervers. Maintenant il rapporte une parole de Ali ibn Abi Talib et Ibn Ammihi. C'est qui Ibn Abi Talib? C'est qui le fils de l'oncle ou le cousin d'Ali? Hein? Ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum jami'an. ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. Donc ici une autre parole, Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وأرضاه, le fils de son oncle qui est Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, on dit Allah n'a pas envoyé un prophète parmi les prophètes sans qu'il n'ait pris de lui l'engagement que s'il envoie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est vivant, qu'il croit en lui et lui porte secours. Ici dans la phrase, ça revient à qu'il est vivant? Je répète la phrase en français, peut-être pour les gens qui n'ont pas le livre surtout. Allah n'a pas envoyé un prophète parmi les prophètes sans qu'il n'ait pris de lui l'engagement que s'il envoie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est vivant. C'est-à-dire qui? C'est-à-dire le c'est ça, hein? D'accord? Qu'il est vivant, qu'il croit en lui, c'est qui lui? Mohammed. En Mohammed, et lui porte secours, d'accord? Et il lui a commandé qu'il prenne, et Allah lui a commandé qu'il prenne l'engagement de sa communauté. Que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé, alors qu'ils sont vivants, qu'il croit en lui et lui porte secours, d'accord? Maintenant, rapport d'autres paroles, toujours par ce verset de Surat Ali Imran. وقال طاووس والحسن البصري وقتادة أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه بل يستلزمه يقتضيه ولهذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثل قول علي وابن عباس وقال الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان أو أنبأنا يسلاديو باردون أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة والإسناد فيه ضعف كما فافور دونك الكزاستا إن شاء الله ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن ثابت فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضيت بالله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال فسري على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. Par rapport à la note de bas de page que vous avez dit ici, c'est Akhraj al-Imam Ahmed, c'est-à-dire dans quoi? Dans le Musnad. D'accord? Puis il donne les différentes éditions à la Kulhal, on va passer ça. Qala muhaqqiq al-Musnad, isnadhu da'if, li da'fi Jabir wa ibn Yazid al-Ju'fi wa fi ittirab. Intaha kalam al-muhaqqiqin, ou muhaqqiq al-Musnad. Wa yashhadu, ça c'est la parole de Cheikh Mohamed Bazmoul maintenant, wa yashhadu li ma'nahu alladhi yali. Donc ici, par rapport à cette parole ici, c'est que Taous, d'abord, on revient, Taous, il Hassan al-Basri et Qatada, ils ont dit, Allah a pris l'engagement des prophètes qu'ils croient les uns en les autres. Et puis, il dit, cela ne s'oppose pas à ce qu'on dit Ali et Ibn Abbas et ne le dénie pas. Donc ici, pour vous suivre le fil de la discussion ici, on est toujours dans la parole de qui, en fait, depuis le début du cours? Non. Donc, je répète encore, et Taous, et le Hassan al-Basri Qatada ont dit, Allah a pris l'engagement des prophètes, qu'ils croient les uns en les autres. Mais cela ne s'oppose pas à ce qu'on dit Ali ibn Abbas, comme on l'a déjà vu, et ne le dénie pas, mais de plus, cela le nécessite et l'implique. Et c'est pour cela que cela a été rapporté par Abd al-Razzaq, d'après Ma'mar, d'après le fils de Taous, d'après son père, qui Taous, hein? Vous suivez, les frères, vous êtes là, hein? C'est, les vacances, c'est fini, hein? Inch'Allah, reprend les cours bien, Inch'Allah, hein? Donc, d'après Ma'mar, d'après le fils de Taous, d'après son père, de manière similaire à la parole de Ali et d'Ibn Abbas. Et l'imam Ahmed a dit, rahimahullah ta'ala, Abd al-Razzaq nous a narré que Soufiane nous a informé d'après Jabir, d'après Sha'bi, d'après Abdullah ibn Thabit qu'il a dit. D'accord? Omar vint chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et dit, ô messager d'Allah, je suis passé chez un frère à moi de Quraïda, qui m'a écrit des paroles de la Torah, Ne te les présenterai-je pas? Il dit, le visage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, changea alors. Abdullah ibn Thabit dit, je lui dis, ne vois-tu pas le visage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Omar dit alors, nous agréons Allah comme Seigneur, et l'Islam comme religion, et Mohammed comme messager. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se calma alors et dit, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si Moussa venait parmi vous, et que vous le suiviez, et que vous me délaissiez, vous vous seriez certes égaré. Vous êtes certes ma portion parmi les communautés, et je suis votre portion parmi les prophètes. Maintenant, c'est par rapport à ce hadith qui a été rapporté ici, comme on a dit dans la note de bas de page, il est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad. Il faut savoir que le Musnad d'imam Ahmed fait beaucoup de hadiths. Il y a beaucoup de volumes, etc. Il a été corrigé, notamment, il a fait un tahrir notamment de Ahmed Shakir, rahmatullah alayhi, le grand muhaddith égyptien, salafi, rahmatullah alayhi, d'accord. Et justement, les correcteurs de Musnad Ahmed, ils ont dit par rapport à ce hadith que sa chaîne de transmission a une faiblesse. Mais qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici, cheikh Mohamed Bazmoul? Il dit, et le hadith suivant témoigne pour ce hadith. Qu'est-ce qu'on appelle quoi? Un shahid. D'accord. Un autre hadith maintenant, justement. Hadith al-akhar, قال الحافظ Abu Bakr, حدثنا إسحاق حدثنا حماد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. ما تخرج رجال الحديث الحافظ أبو بكر الذي Ishaq nous a narré que Hamad nous a narré d'après Mujalid, d'après Sha'bi, d'après Jabir qu'il a dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne questionnez pas les gens du livre sur quoi que ce soit, car ils ne vous guideront pas alors qu'ils se sont égarés. Et soit vous approuverez quelque chose de faux, soit vous démentirez une vérité. Et par Allah, si Moussa était vivant parmi vous, il ne lui serait licite que de me suivre. Maintenant aussi, par rapport à ce sanad et par rapport à cette chaîne de transmission, ce hadith, il est rapporté par Ahmed, dans le Musnad aussi, il est rapporté par Ad-Darimi. quand il rapporte par Darimi, c'est dans quel livre? Le Mousnad. Est-ce que c'est un nom correct pour Mousnad al-Darimi? Il s'appelle comme ça, sahih. Mais qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Albani par rapport à ça? Qui c'est? Hein? J'ai entendu quelqu'un, il l'a dit, mais. Hein? Et voilà. Naam. Cheikh l'Albani, il a dit, il serait plus en droit d'être appelé Sunan. Et je vous renvoie à la différence entre un Mousnad et un Sunan. Et que par une des différences, c'est que le Mousnad, il est quoi? Il est classé par rapporteur. Quand vous ouvrez le Mousnad l'imam Ahmed, vous trouvez que c'est classé par rapporteur. Tandis que Sunan, il est classé par l'abwab al-fiqhiyya. Hein? C'est une petite nukta que je vous donne en plus à la kouliha. Passez du temps avec les cassettes et les livres de Cheikh l'Albani, Cheikh Nasser, rahmatullah alayh. Hein? Asad Sunna. رغم أنوف الحدادي والتكفيرين والحزبين وأهل البدع والضلالة أنا ديبليز وحدادي وتكفيري تون جون دينوفاسيون لليون لا سنة رحمة الله عليه دونك رابورتي بار أحمد الدارمي دابخي جابر بن عبد الله كان لزاغري تو دو et les vérificateurs de Mousnad ont dit sa chaîne de transmission est faible et il a été jugé حسن لغيره par qui? Par Cheikh l'Albani رحمه الله hein? Donc, on ne va pas rentrer dans le mustalah al-hadith, qu'est-ce que ça veut dire Hassan ou les Ghairi, etc. À la kulli hal. Irwa al-Ghalil, c'est un livre très connu de Cheikh l'Albani, rahimahullah, qui est quoi? Le titre complet qu'il connaît? Nous, on ne fait pas ça pour vous mettre mal à l'aise, mais juste pour qu'on. Salafi doit connaître ses ulama. Hein? Et Salafi, il connaît les livres des ulama. D'accord? Donc, qui connaît le titre complet? Irwa al-Ghalil, fi Tahrij ahadith manar al-Sabil. D'accord? Donc, Irwal Ghalil, volume 6, page 34. Je pense qu'il doit être ici dans la mosquée. C'est une compilation de 9 volumes qui sont des hadiths dans le fiqh. Et que Cheikh l'Albani l'a corrigé. D'ailleurs, les ulama, comme Cheikh Ibn Baz, beaucoup d'ulama l'ont remercié pour ça. Si je me souviens même, Cheikh Mokhbi, rahmatullah alayh. Et Cheikh Saleh Ali Cheikh, il l'a fini. Il a fait un volume et il l'a appelé Tekmil. Cheikh Saleh Ali Cheikh, il a fait Tekmil. Je vous donne vite la référence Irwa al-Ghalil. Donc vous entendez les ulama maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent les ulama c'est Akhrajou al-Albani ou Sahih al-Albani fil Irwa. Que ça veut dire quoi l'Irwa? Vous savez que l'Irwa c'est quoi? C'est Irwa ou al-Ghalil. D'accord? Volume 6, page 34, sous le numéro 1589. Et ce qui apparaît, c'est la parole de qui maintenant? Le Cheikh Mohamed Bezmoul, il dit, et Allah le plus savant, c'est qu'il a raison, c'est-à-dire que Cheikh l'Albani a raison. Car les nombreux textes renforcent le sens du hadith, et Allah est le plus savant. Et dans d'autres hadiths, on fait bien des hadiths là où, لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. Donc, dans d'autres hadiths de lui, si Moussa et Isa étaient tous deux vivants, il ne leur serait permis que de me suivre. Donc je répète cela. Si Moussa et Isa étaient tous deux vivants, il ne leur serait permis que de me suivre. Fa al-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khatam al-anbiya, salawatullahi wa salamu alayhi, da'iman ila yawm al-din, wa huwa al-imam al-a'zam, alladhi law wujida fi ayy asrin wujid, lakana huwa al-wajib al-ta'ah. Lakana huwa al-wajib al-ta'ah. المقدم على الأنبياء كلهم ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء أو كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس وكذلك هو الشفيع في يوم الحسر في إتيان الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به انتهى كلام من؟ Ibn Kathir, alhamdulillah. C'est vrai, Cheikh Mazmoul, il cite Ibn Kathir, mais là, il citait la parole d'Ibn Kathir. Avec cela, on aura fini. Hein, donc, depuis le début du cours jusqu'à maintenant, c'est la parole d'Ibn Kathir qui cite différentes paroles, d'accord? Donc, le messager, donc, on est sur la, maintenant, c'est la fin de la parole de l'imam Ibn Kathir, alhamdulillah, dans son tafsir, tafsir Qur'an al-Azim. Donc, le messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le sceau des prophètes. Et ce, pour toujours, jusqu'au jour de la rétribution. Et il est l'imam suprême. Celui à qui, à quelque époque qu'il se trouve, il est obligatoire d'obéir. Celui que l'on fait passer avant tous les prophètes. Et c'est pour cela qu'il fut leur imam la nuit du voyage nocturne, lorsqu'ils se regroupèrent à Bayt al-Maqdis. Et il est aussi l'intercesseur le jour de l'exode, Yom al-Hajr, qui intercédera afin que le Seigneur vienne juger. Et c'est la position louable, le maqam al-Mahmoud, qui ne sied que pour lui et de laquelle vont se détourner Ulul Azm. Hein? Les dotés de résolution parmi les prophètes et les messagers, jusqu'à ce qu'on son tour arrive et qu'il soit donc celui à qui cette position louable, cette maqam mahmoud est spécifique. On a fini avec ça, la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah, dans Tafsir Qur'an al-Azim, je vous donne la référence, volume 2, page 67. Évidemment, quand on donne des pages et des volumes, ça peut changer peut-être en fonction de quoi, des différentes éditions. Ça, c'est l'édition de Taïba. Juste un point par rapport à Ulul Azm. Qui sait me dire combien ils sont, qui ils sont et Dalil? Au moins, chacun donne une partie de la réponse. Vas-y. Ils sont 5. Ils sont 5. On a avancé un pas. Zid. C'est quoi les noms? Moussa. Zid. Noir. Zid. Issa. Zid. C'est facile de se lancer quand d'autres sont lancés. Hein? Mohamed et Ibrahim. Ibrahim. Hein? Qui donne Dalil? Là, je vous aide. Surat l'Ahzab. Deuxième page. Je vous donne la ligne. Hein? Nous prenons l'asma. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. On continue. Donc on a fini la parole de Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Maintenant, on a dit qu'on parlait des calanulatifs de l'islam. Troisième, qui sait me le dire Hifdan, sans regarder. D'ailleurs, là, qui sait dire le maître depuis le début? On avait dit qu'on ne va pas la faire à hein, la Cheikh Mouqbil, rahimahullah. On veut qu'il y ait du monde qui reste au cours. Hein, qu'on ne se retrouve pas quelques-uns ici. Donc, on ne va pas mettre la pression sur les gens, mais on se motive les uns les autres. Hein, on se motive les uns les autres. Que, yani, c'est un maître très court, sarahatan. Yani, il ne faut pas un grand jour pour Moumourizidina ou Aqid. Et regardez le sujet, l'importance du sujet. On ne va pas reprendre ce qu'on avait dans l'introduction, mais l'importance de ce sujet-là, parce qu'on parle des choses qui annulent l'islam, l'a'adou billah. Mindalik. Qu'Allah nous préserve de cela, de tomber dans un des nawaqid de l'islam qui sont nombreux. Et Cheikh Mohammed Lalam, on avait dit qu'il n'en avait cité que 10, mais il y en a plus. D'accord. Et donc l'importance d'étudier et de jamais entre le hifd et le fahm. Mais c'est comme ça qu'un talib ilm se construit, c'est de mémoriser et de comprendre. D'accord. Donc ça, c'est des petits moutons, d'accord, qu'on peut mémoriser assez facilement, qu'on peut s'entraider entre frères salafis, que les sœurs elles peuvent s'entraider entre sœurs salafis aussi à mémoriser, d'accord, hein? Qui sait me dire le maître depuis le début jusqu'à maintenant? Il lève la main, il le dit. Il ne devra même pas se lever, yallah. Il devra juste le dire. Je sais qu'il y en a qui le connaissent ici, je sais. Il y en a qui le connaissent entièrement ou partiellement. Moi qui veux qu'on fasse... Hein? On pointe du doigt certains noms. Eh ouais, quoi. Yani, y a pas de, ici, y a, ça c'est l'ilm, il n'y a pas de haya. Hein? S'il y en a qui doit être gêné, c'est moi. C'est moi qui suis au micro. Yallah. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-shaykh al-islam Muhammad al-wahhab. Et puis. Vas-y. Y'alam min nawaqid al-islami asharat min nawaqid. Al-abwal al-shirku fi ibadatillah. Qala ta'ala. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وعد الله وما لظالمين من أنصار. ومنه ومنه ذاب لغير الله. Vas-y, pourquoi c'est pas grave? Quelqu'un qui peut corriger? Hifdan. Il y en a, ils sont malins, ils savent parce qu'ils disent oui, je leur dis pourquoi tu l'as pas dit depuis le début? Les frères, machallah, ils sont malins. Hein? Vas-y, zid. C'est ce que tu avais dit. Hein? Et ouais? Ça fait classe. Ah, bah, continue maintenant. Lui, t'as lancé, vas-y, continue. Allez, continue. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم شفاعة ويتوكلوا عليه. يا يدعوهم شفاعة. كيف الذي ويسألهم يدعوهم شفاعة ويسألهم جست بليمتي تبجس وبليمتي Vas-y. Voilà, c'est ça en fait. Et quoi? Continue. Il t'a eu. Vas-y, continue. Zid. Et quoi? Non, machallah, les voix, on les entend. On commence à les entendre. Machallah. C'est bien. Elle continue. Thalith. من لم يكفر المسلمين أو شك في كفرهم تسير مسلمين أو شك في كفرهم Moi, je sais que vous connaissez, vous avez peut-être un peu peur de parler, mais c'est juste pour combattre un peu ça, qu'on s'habitue un peu. Ça, c'est une sale ilmiya. Celui qui fait une erreur, on le corrige. Hein, c'est pour se motiver les uns les autres. Et peut-être que, aussi, une faïda de ça, c'est que certains frères qui sont ici vont voir leurs frères qui mémorisent. Ça va quoi? Ça va les motiver. Ils vont se dire, subhanallah, ni mon frère, iran Allah, azzawajal, mon frère Salafi mémorise. Ni, pourquoi moi, je ne mémoriserai pas aussi? Hein, c'est ça le but, c'est pas de mettre les gens mal à l'aise ou de. Ou de montrer que certains peut-être connaissent pas, etc. Quelqu'un peut le mémoriser très facilement, le connaître même avant que celui qui l'a commencé avant lui et qui l'a toujours pas fini. Ça c'est pas... Hein? Vas-y. Et voilà. C'est tout? Il a fini le troisième ou pas? C'est juste ce qu'il a dit? Non, c'est juste ce que tu as dit. Donc, jusque-là, on est arrivé maintenant dans le maître, on est arrivé à ça. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je vous ai fait réciter, déjà pour motiver à étudier, mais aussi pour qu'on s'attache à... On est toujours dans le troisième naqid ici. Parce que Cheikh Mohamed Azmoul va continuer l'explication. C'est quoi le troisième naqid? En français, c'est quoi? Celui qui ne... Voilà, qui ne juge pas le mouchriki, hein? Comme les créants. Ou? Ou? Hein? Naam? Il est quoi? Il est mécréant. Regardez ce qu'il va dire le shir maintenant. Il dit, mais quand je dis que mémoriser, etc., et que j'interroge ça, c'est les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, alhamdoulilah, qui nous écoutent sur la radio et via la radio sous nos publications, la radio salafiradio.com. C'est aussi peut-être que quand on s'interroge, évidemment, ils ne savent pas nous répondre, mais qu'ils se répondent à eux-mêmes, etc., et qu'ils se motivent aussi à mémoriser. Regardez ce qu'il va dire shir Mohamed Bazmoun pour les frères qu'on livre en arabe. Il dit, فَكَيْفَ يَكُونُ تَقَارُ بَيْنَ الْأَدْيَانِ. كيف يقال بصحة هذه الأديان بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يدعى بهذه الدعوة التي تقتضي الكفر ولذلك كانت الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة كفرية وكانت دعوة إلى تقارب الأديان فيقال كل هذا بتتكون هذه الأديان صحيحة وأصولها واحدة واتباعها حق وأصحابها على حق. D'accord, ici, c'est pour ça que, pour resituer dans le cadre de troisième objectif qu'on est en train d'étudier, Cheikh il dit, Mohamed Bazmoul, comment se pourrait-il donc qu'il y ait un rapprochement entre les religions? Comment peut-on dire que ces religions sont authentiques après l'envoi de notre prophète, alayhi salatu wassalam? Comment peut-on appeler à cet appel qui applique la mécréance? Alors il y a des frères qui vont dire, peut-être des sœurs vont dire, mais qui va appeler à ça? Je vous donne des noms. Adnan Araour, Ali Hassan. Abul Hassan al-Ma'ribi défend ceux qui appellent à ça. Les Mashaykh, ils ont réfuté. Cheikh Rabi, il a une réfutation sur son site, d'Anan Aror par rapport à ça, ou dans une chaîne satellitaire, il a dit des paroles qui vont dans ce sens. D'accord? Ali Hassan, il a fait l'éloge d'une risala qui s'appelle Risalat Amman. Qui était une lettre qu'il avait écrite à l'époque, hein, par certains responsables en Jordanie, etc., et qui comprend cela, et Ali Hassan avait fait l'éloge de ça, il a défendu, etc. Et il n'a pas accepté que les gens de la Sunna le réfutent par rapport à ça. Attention, ça ne veut pas dire que quoi? Qu'on a dit qu'Anan Aral c'est un kafir et qu'Ali Hassan c'est un kafir. Ça, c'est pas à nous de dire, c'est ulama. Ce genre de jugement-là, on l'a laissé ulama, on l'a dit depuis toujours. Hein? D'accord? Pour lesquels, regardez le dalal à quoi il peut amener, subhanallah adim. Et pour les frères qui veulent les dalils, j'ai tweeté aujourd'hui les sources avec les références. Des paroles d'Adan Arour, citées par Cheikh Rabi, et d'Ali Hassan notamment. Et parmi les mashaykhs qui ont réfuté Ali Hassan sur ce point-là, c'est Cheikh Khalid Abu Abla'ala d'Égypte, et Cheikh Ahmed Mazmoul, et Cheikh Rabi et d'autres, hein, par rapport à ça. Donc c'est pas quelque chose qu'on n'entend pas de nos jours. Hein? D'accord? Et c'est pour cela que l'appel, Cheikh il dit, à l'unité des religions est un appel de mécréance. Et de même pour l'appel au rapprochement des religions et de dire que toutes ces religions sont authentiques et leurs fondements sont un seul fondement et leur suivi est vérité et que ceux qui sont sur ces religions sont une vérité. Hein? Et pourquoi je vous ai cité des noms, les frères? Parce que j'avais promis dans le dars précédent de citer des noms. Je vous avais dit, ça, je ne sais pas, les frères qui se rappellent peut-être. Hein? Et j'ai voulu aujourd'hui apporter en détail ce qu'ils disent à Ar-Aour et Ali Hassan pour que ce soit établi avec Dalil et que vous le sachiez. Mais le dars, on va s'écarter un peu du sujet. Et puis, ça va être un peu trop long, ça va être un peu technique, etc. Donc, on va se limiter. Et on voudrait enfin terminer un jour ou l'autre le livre de Cheikh Mohamed Bazoul pour qu'on puisse faire d'autres livres. Donc, j'ai préféré laisser et vous donner des références que vous alliez voir sans vous-même. Puis, c'est une parole de Ibn al-Arabi al-Maliki. Pourquoi j'ai insisté sur al-Arabi? C'est qu'il faut faire la différence entre Ibn al-Arabi et Ibn Arabi. D'ailleurs, Cheikh Mohamed Aman, il disait ça. Il dit, mais ta'rif, attention. Avec Alif Lam. Parce qu'Ibn al-Arabi, il fait partie des imams de l'égarement. D'accord? Ibn Arabi, sans Alif Lam. Alors ici, on ne parle pas de lui, on parle de l'imam sunni salafi, l'imam Ibn al-Arabi al-Maliki. Il est mort en 543 de l'Hijr. ذكر رحمه الله مناظرة حصلت بين رجلين من علماء المسلمين وحبر من أحبار اليهود حيث قال ابن عربي رحمه الله وقد حضرنا يوما مجلسا عظيما فيه الطوائف وتكلم التستري الحبر اليهودي على دينه فقال اتفقنا على أن موسى نبي مؤيد بالمعجزات معلم بالكلمات فمن ادعى أن غيره نبي فعليه الدليل وأراد من طريق الجدال أن يرد الدليل في جهتنا حتى يطرد له المرام وتمتد أطناب الكلام فقال له الفهري إن أردت موسى الذي أيد بالمعجزات وعلم الكلمات وبشر بأحمد من أحمد؟ محمد عليه الصلاة والسلام فقد اتفقنا عليه معكم وآمنا به وصدقناه وإن أردت به موسى آخر فلا نعلم ما هو فاستحسن ذلك الحاضرون وأطنبوا في الثناء عليه وكانت نكتة جدلية عقلية قوية فبهت الخصم وانقاض الحكم انتهى كلام ابن العربي رحمه الله في قانون التأويل ابن العربي المالكي رحمه الله ce grand imam maliki de salafi mort en 543 de l'Hijr a rapporté un débat qui prit place entre un homme parmi les savants des musulmans et un érudit parmi les érudits des juifs. D'accord? C'est qui Habr al-Umma de notre communauté? C'est qui le ulama ils appellent Habr al-Umma? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Cheikh Al-Uthaymeen, une petite nukta que je vous donne dans le kitab al-Tawhid, le Qawl Mufid, il dit que le Habr, ça a les mêmes lettres que le Bahr. Le Habr, c'est Bahrun fil ilm. Ça a les mêmes lettres que Bahr. Habr, Bahr. D'accord? Donc, c'est une petite faïda que je vous donne en passant. Je répète ce que j'ai dit. Ibn al-Arabi al-Maliki, mort en 543 de l'Hijr, a rapporté un débat qui prit place entre un homme parmi les savants des musulmans et un érudit parmi les érudits des juifs. Et Ibn al-Arabi, calife de miséricorde, a dit: nous avons un jour assisté à une immense assise où se trouvaient les groupes. Et Tastari, l'érudit juif, prit la parole au sujet de sa religion. Et dit: nous sommes d'accord sur le fait que Moussa fut un prophète assisté par les miracles et auquel les paroles ont été enseignées. Et donc il incombe à celui qui prétend qu'autre que lui fut un prophète de fournir la preuve. D'accord? Et il voulut donc par le débat renvoyer la preuve dans notre camp afin qu'il progresse vers son but et que s'allonge la corde de la parole. Al-Fihri lui dit alors, lui répond, ok, à l'érudit des juifs, Al-Fihri lui répond, lui dit, si tu entends par cela Moussa qui fut assisté par les miracles et auquel les paroles ont été enseignées, et qui a annoncé la nouvelle venue de Ahmed, c'est qui Ahmed? C'est un des noms de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Alors nous sommes d'accord avec vous à son sujet, et nous croyons en lui, et nous le considérons comme véridique. Et si tu entends par cela un autre Moussa, alors nous ne savons pas lequel. Et ceux qui furent présents, ils apprécièrent cela, et s'étendirent en éloge à son sujet, et ce fut un point dialectique rationnel fort, et le protagoniste resta stupéfait, il ne pouvait plus rien dire, et le jugement fut accompli à ce moment-là. D'accord? Puis Cheikh il dit: فهذه قاعدة مهمة أن من ادعى صحة دين غير دين الإسلام فقد كذب. وأول ما يكون التكذيب من نفس الديانة التي هو يدعي صحتها. إذ لا ديانة صحيحة بعد الإسلام إلا الإسلام.

et de se convertir à l'islam. Subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla les guide, hein, et que nous affermisse sur cette religion jusqu'à ce qu'on le rencontre, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il continue en disant la yujadu al-yawm din sahih ila ad-din al-islami. الأديان الأخرى ما بقي منها فقد دخل في بعضه تحريف وتغيير وتبديل ولا مانع من أن تكون هناك مناظرات بين الإسلام والمسيحية أو بين الإسلام واليهودية لكن هذا مرجعه إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء إذ رأوا تحقق أرجحية من المصلحة والفائدة والمنفعة وهم الذين يقررون أن تكون المناظرة علانية أو غير علانية مكتوبة أو غير مكتوبة مسجلة أو غير مسجلة مفتوحة أو غير مفتوحة وماذا يكون موضوعها. Donc Cheikh il dit, et aujourd'hui il n'existe aucune religion authentique si ce n'est la religion islamique. Ce qui reste des autres religions y est entré dans une partie, la falsification et la modification et l'altération. Et rien n'empêche qu'il y ait des débats entre l'islam et le christianisme, ou entre l'islam et le judaïsme. Mais cela revient aux gens qui détiennent le commandement, les savants et les gouverneurs, s'ils voient la prédominance, arjahiyat, la prédominance du bien et du bénéfice et de l'intérêt. Et ce sont eux qui décident si ce débat se fait en public ou pas en public, qu'il soit écrit ou pas écrit, qu'il soit enregistré ou pas enregistré, ouvert ou pas ouvert, et quel en sera le sujet. Il reste un point. Cheikh il dit تبقى قضية وهي أن حكمنا بكفر من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم إنما يكون بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع فنحن من حكمنا على القول عفوا فنحن مع حكمنا على القول والفعل بأنه كفر لا نحكم بكفر المعين الذي صدر منه ذلك إلا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع ولا تلازم بين تكفير النوع وتكفير انا pour répondre pour les frères consiste ah khla je vais des sourire là c'est la vie ne connaît cette règle par cœur maintenant بين تكفير النوع وتكفير العين ولا بين الحكم بكفر القول وتكفير قائله. انظر ما سبق في المقدمة من ضوابط التكفير الضابط السادس والسابع والثامن والثاني عشر. Un point important, regardez la précision des savants salafis et l'importance de ne pas prendre l'aqida de n'importe qui, hein? Et la, pour ça que j'ai choisi, hein, il y a d'autres shurouhs qui sont excellents, qui est par exemple le charah de qui, de Charles Fawzan, hafidahullah, hein, et d'autres mashayikh qui sont parmi nos grands mashayikh. Mais moi j'avais choisi celui-ci, entre autres, et si on a le temps, on fera celui de Charles Fawzan ou d'autres mashayikh, inshallah. Mais pourquoi? Pour cette introduction par rapport au règles du tekfir, parce que c'est important. Regardez ce qu'il dit le cheikh ici. Il dit, il reste un point, et c'est que par rapport au troisième annulatif, on a déjà dit lequel c'était. Et c'est que notre jugement de mécréance de celui qui ne juge pas les associateurs comme étant des mécréants, ou qui doutent de leur mécréance, ou qui considèrent leur voix comme étant authentique. On avait dit que c'était ça l'annulatif, d'accord? Eh bien, ne se fait qu'après l'établissement des preuves, et que les conditions soient réunies, et que les barrières soient absentes, ou levées si vous voulez, d'accord? Donc, nous, malgré le fait que nous jugions la parole et l'action comme étant une mécréance, nous nous jugeons comme étant mécréant l'individu spécifique de celui de qui cela a émané, hein, de qui vient cela, d'accord? Qu'après l'établissement des preuves, et que les conditions soient réunies, et que les barrières soient absentes, et le jugement de mécréant général n'implique pas nécessairement le jugement de mécréant sur l'individu spécifique. Et le jugement de mécréant sur une parole n'implique pas nécessairement le jugement de mécréant sur l'individu spécifique qui l'a dite. Est-ce que maintenant, hein, là on a fini la parole de Cheikh Mohamed Bazmoul, et je termine sa parole, comme ça on ne dira pas que j'ai mélangé entre ma parole et la sienne. Il a renvoyé vers des règles dans les 15 règles. Il a dit la 6e, la 7e, la 8e et la 12e. J'ai mis les liens pour vous faciliter sur le PDF, pour s'y cliquer et que vous retourniez directement à ces règles-là. Je vous le conseille de le faire, même si vous les avez déjà lues, peut-être même mémorisées. Pourquoi? Ça rafraîchit la mémoire et ça permet de bien, hein, comprendre ce qu'il dit le cheikh ici. Mais on a fini la parole de Cheikh Mohamed Bazmoul. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous, qu'on dit, on dit que ce n'est jamais le cas? Et que, hein, et qu'il n'y a jamais le tekfir sur un individu spécifique, et c'est ça qu'on est en train de dire ici? Non. La phrase en français, c'est pour ça que je l'ai traduit, j'ai essayé de la traduire de la manière la plus précise possible, j'ai bien dit quoi? Je répète cette phrase-là, hein. Donc nous, malgré le fait que nous jugeons la parole et l'action comme étant une mécréance. Donc cette parole, c'est une mécréance. Cette action, c'est quoi? C'est une mécréance. Nous nous jugeons comme étant mécréant l'individu spécifique de qui cela a émané, c'est-à-dire de qui émane cette parole ou cette action, qu'après l'établissement des preuves et que les conditions soient réunies et que les barrières soient absentes. Donc maintenant, si les barrières sont absentes, si les conditions sont réunies et que les preuves sont établies, est-ce qu'il y a un jugement de mécréance sur l'individu spécifique, oui ou non? Oui, non. D'accord? Qu'on ne fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit. D'accord? Mais il y a des règles, il y a des dawab, il y a le sunnah al-jama'a qu'on se doit de respecter. Donc le cheikh, je termine sa phrase ici du cheikh, il dit, et le jugement de mécréance général n'implique pas nécessairement, vous savez le mot en français ici est important, nécessairement le jugement de mécréance sur un individu spécifique. Et le jugement de mécréance sur une parole n'implique pas nécessairement le jugement de mécréance sur l'individu spécifique qui l'a dite. Et je vous renvoie à la parole de qui? De Charles Al-Bani, rahimahullah. Que les mashayikh soutent souvent. Laissa kul mwaqa'a fil kufri waqa'a al kufru, allez. Wa laissa kul mwaqa'a fil bid'ati waqa'a til bid'atu, allez. Wa laissa kul mwaqa'a fil fisqi waqa'a al fisqu, allez. C'est pas toute personne qui tombe dans une mécréance qui est nécessairement un mécréant. Et c'est pas toute personne qui tombe dans une innovation religieuse qui est nécessairement un innovateur. Et c'est pas toute personne qui tombe dans une perversité qui est nécessairement un pervers. Et si vous avez compris ça, eh ben on aura compris ces règles-là, hein, parmi elles, la différence al-sunnah al-jama'a entre le tekfir de nom et de genre, hein, telle personne qui dit telle chose, telle personne qui croit telle chose, telle personne qui fait telle action, eh ben c'est un kafir. Et le fait de poser ce jugement sur un individu spécifique, on avait dit dans les cours, c'est quoi un individu spécifique? C'est un tel, le fils d'un tel, quelqu'un particulier, une personne précise. D'accord? Ça c'est clair? Wallahu a'lam, on a fini avec ça pour aujourd'hui. Et donc, le prochain cours, si tout va bien, c'est quoi la date du week-end prochain? Il se peut que je parte quelques week-ends en septembre. C'est pas sûr, parce qu'il y a certaines villes en France où j'ai promis d'aller, j'ai pas encore été. On s'y est au courant de toute façon, mais la semaine prochaine, je devrais être ici, Inch'Allah. Donc, on devrait faire le cours de l'islam samedi prochain à la même heure. Le 7 septembre, à cette heure-ci, après le Maghrib, c'est-à-dire, Inch'Allah. Par rapport aux choses qui vont apparaître sur le site et peut-être les cours qu'on peut faire éventuellement à la radio chez moi à la maison, on vous tiendra au courant. D'ailleurs, les frères qui n'ont pas donné leur numéro de téléphone au frère Mohamed Lamine, qu'ils le fassent. Pour qu'ils vous tiennent au courant en fait, de tout ce qu'on fait, de toutes les activités, des cours qu'ils peuvent avoir à la mosquée et en dehors de la mosquée. La raison pour laquelle des fois on fait un cours en dehors de la mosquée, c'est tout simplement parce qu'avant on avait deux cours par semaine, et puis un de nos frères Abou Idriss Hafidallah, il a repris le mardi, hein, pour faire un cours, évidemment c'est un cours en anglais, et ici c'est une dawa comme à la base en anglais, hein, d'accord, donc, et tous les jours sont occupés, alhamdoulilah, dans cette mosquée à des cours, donc on est obligé de faire ça des fois à la radio, à la maison. Et Inch'Allah, ce qui va apparaître bientôt sur le site, Inch'Allah, c'est les prochaines publications, c'est le dévoilement de la Hadadiyya de Cheikh Adil Mansour, Abou l'Abbas. D'ailleurs, je vous annonce que demain, à partir de demain, il y a une daura au Koweït via la radio Najl Wadih de Cheikh Khalid Abdurrahman et Adil Mansour. Ils font des très bons livres. Parmi eux, Cheikh Adil Mansour, il va faire Usul Sunna ibn Abi Zamanin. Hein? Ça, c'est un très bon livre que Cheikh Abdel Boukhari a expliqué, qui a été édité d'ailleurs. C'est comme les livres genre Usul Sunna l'Imam Ahmed, etc. Il parle des fondements de la croyance des gens de la Sunna al-Jama'a. Il va faire aussi l'introduction de la Muqaddima de, si je me souviens bien, de Musnad al-Darimi. De toute façon, j'ai tweeté aujourd'hui le tableau. Il y a un tableau avec les heures et les titres, etc. Je vous conseille vivement les douloureuses de ces machaïrs-là. Et puis, il y a d'autres choses qui vont paraître sur le site, Inch'Allah. On se tiendra au courant via Twitter, via le site. Wa jazakum Allahu khairan. Wallahu a'lam. Wa subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.